Tony Danza love French kick. New track. Tony Danza French kick. Ok, c'est un pour mon rap et deux pour ceux que je représente. Le 7-4 m'a percé, moi c'est l'hostie, je me présente. J'ai soif de savoir et je sais que je n'ai pas fini d'apprendre. 10 ans de rap derrière moi et toujours mon blaze à défendre. Je suis le seul qui taffe son projecteur braqué sur eux. Stylo à la main, je n'ai peur de rien et les envieux. Je les laisse dans leur coin car le temps m'est bien trop précieux. Et j'avance pour demain en laissant derrière le trop vieux. Bien sûr, je respecte les anciens, ceux qui m'ont donné envie d'écrire. Les pionniers de ce mouvement qui m'ont donné l'envie d'y croire. La vie m'a épané, donc faut que je me montre à la hauteur. Que je laisse mes doutes de côté et qu'à mes proches je fasse honneur. Je suis un rescapé d'un siècle qui a fait bien trop de victimes. J'ai dans mon cœur cette force qui fait que jamais je ne m'incline. Parce que j'écris sans faire de pause jusqu'à m'en donner des migraines. Parce que je crie, défends ma cause, ça jusqu'à en perdre. Je suis un MC qui lâche son spleen quand il s'exprime. Certes un peu aigri mais jamais rassasié de rimes. Je parle de choses qui m'ont touché et de la détresse du tiers monde. Car trop de fois là tu m'as choqué. Comme la mer qui passe sur les eaux, je rappe pour ceux qui kiffent. Et tant que ça bouge moi je suis là. Tous les fumeurs de spleen, les petits bourges ou les scarlats. Pour ceux qui apprécient et qui trouvent que mon son des boîtes. Les poètes et l'over, même les habitués de boîte. C'est pour toute la jeunesse et tous mes petits frères et sœurs. Ceux qui aiment tant l'ivresse et surtout vivre à 100 à l'heure. C'est pour tous mes potos qui ont toujours cru en mon art. Grâce à cette chose, j'ai appris que ce n'est jamais trop tard. Ok, c'est 3 pour Kylia et 4 pour la grave production. Grâce à eux, j'en suis là, genre dédicace l'introduction. Je suis de ceux qui n'oublient pas et qui cassent les prédictions. Car toujours efficace quand il s'agit de faire du bon son. Je révolutionne pas le rap, j'essaie juste d'amener du son frais. J'écris comme je me sape, donc ça dépend du temps qu'il fait. À ceux que ça gave, à ceux que ça saoule, ceux qui pensent, les gens qui frappent. La critique vient après, donc juste écoute si le son claque. S'il y a juste, ne serait-ce une poignée de talent. Dis-toi bien qu'il y a surtout beaucoup, beaucoup de taf avant. Je représente la mode de France, même les villages de campagne. Mais dis-toi bien, comprends-moi de faire de la qualité et nos compagnes. Pas ni sert pas de matos, donc bien sûr je galère plus. Tant pis si on me censure ou que je passe pas sur Canal+. Je transpire, j'insiste, je perds si je perds. Pas sûr que je percerai dans le son, mais je le ferai par amour de la musique. Et surtout, surtout, loin, loin de la critique. Je t'annonce la couleur de mes textes car c'est complexe. Je te parlais de ma vie, de mon vécu, même de mes ex. Je te parlais de sexe, drogue, pouvoir, déception. Aborder tous ces thèmes qui me tiennent à cœur et par question. D'oublier ceux que j'aime, qui de vivre sont ma raison. J'y suis sûr, apprécieront parce que jamais cessé de rêver et j'ai toujours cru en moi. J'ai bien que la vie est courte, je veux pas regretter mes choix. J'ai toujours avancé face aux obstacles, moi j'ai la foi. Encore une fois, je me présente. Moi c'est l'hostie, mec, n'oublie pas. Moi c'est l'hostie, mec, n'oublie pas. French kick. Dancer.